vis pas sans se dire adieu. On ne vit pas sans mourir un peu, sans abandonner pour aller plus loin sur son chemin, quelque chose ou quelqu'un. Je suis venue pour te dire adieu. Toujours un peu. J'ai voulu savoir ce qu'il m'a resté du seul amour qui ait pu compter. Je suis venue pour te dire adieu. Et si tu veux. Ce n'était pas de ta faute, je le sais. Je sais tout ce qui allait se passer, allez. Ton père et tout ce qu'il a pu te dire. Tes études à finir. Ton service. Ton avenir. Et puis cette fille n'est pas pour toi. Aujourd'hui, tu es heureux. Tout est bien qui finit bien, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai pu t'aimer, toi? J'avais 16 ans. 16 ans. On ne vit pas se dire adieu. On ne vit pas sans mourir un peu. J'ai voulu ce soir arrêter le temps de dire adieu mes 16 ans. Oh, j'ai voulu dire ce qui